Victor Hugo, à Guernesey, printemps. Tout rayonne, tout luit, tout aime, tout est doux. Les oiseaux semblent d'air et de lumière fous. L'âme dans l'infini croit voir un grand sourire. À quoi bon exiler, roi? À quoi bon proscrire? Proscrivez-vous l'été? M'exilez-vous des fleurs? Pouvez-vous empêcher les souffles, les chaleurs, les clartés d'être là, sans joug, sans fin, sans ombre, et de me faire fête, à moi, banni dans l'ombre? Pouvez-vous m'amoindrir les grands flots haletants? L'océan, la joyeuse écume, le printemps, jetant les parfums comme un prodigue en démence, et m'ôter un rayon de ce soleil immense? Non, et je vous pardonne. Allez, trônez, vivez, et tâchez d'être roi longtemps, si vous pouvez. Moi, pendant ce temps-là, je maraude, et je cueille, comme vous un empire, un brin de chèvrefeuille, et je l'emporte, ayant pour conquête une fleur. Quand au-dessus de moi dans l'arbre, un querelleur, un mâle, cherche noise à sa douce femelle, ce n'est pas mon affaire, et pourtant je m'en mêle. Je dis « Paix là, messieurs les oiseaux dans les bois !» Je les réconcilie avec ma grosse voix. Un peu de peur qu'on fait aux amants les rapproche. Je n'ai point de ruisseau, de torrent, ni de roche. Mon gazon est étroit, et tout près de la mer. Mon bassin n'est pas grand, mais il n'est pas amer. Ce coin de terre est humble et me plaît, car l'espace est sur ma tête, et l'astre y brille, et l'aigle y passe. Et le vaste boré y plane éperdument. Ce parterre modeste et ce haut firmament sont à moi, ces bouquets, ces feuillages, cette herbe, même, et je sens croître en moi l'oubli superbe. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrai. Pour me souvenir, moi, l'hôte de ces forêts, qu'il est quelqu'un là-bas, au loin, sur cette terre, qui s'amuse à proscrire, et règne, et fait la guerre. Puisque je suis là, seul, devant l'immensité, et qu'ayant sur moi le profond ciel d'été, où le vent souffle avec la douceur d'une lyre, j'entends dans le jardin les petits enfants rire.